Hors d'Amsterdam, y a du marron qui chante, les rêves qui les hantent, au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dorment, comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames, aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils nous montrent des dents à croquer la fortune, à décroiser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que la grosse main invite à revenir en plus. Ils se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rôdant. Dans le port d'Amsterdam, y'a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur bataille jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donne leur vertu, et pour une pièce d'or. Et quand ils sont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam,